Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Une autre belle journée, une autre belle émission chargée comme à l'habitude et une grosse émission parce qu'on est là pour deux heures cette semaine en remplacement de Monsieur Benoît Quentin et de la bande originale qui sont absents cette semaine, mais il nous a laissé l'autre heure après nous pour vous divertir, chers auditeurs de CKIA. On vous rappelle par la même occasion que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez trouver nos anciennes émissions, podcasts et autres choses geek. Il y a aussi la page Facebook, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Puissance Maximale, vous allez nous trouver. Allez aimer notre page parce que nous, on vous aime. Et il y a toujours le site de CKIA, le CKIAFM.org, où vous pouvez aller chercher votre carte de membre, très important pour encourager la station et aussi votre émission préférée, Puissance Maximale. Et une nouveauté sur le site de CKIA depuis la semaine dernière, un petit chat là pour venir parler avec notre metteur en onde, M. Andrew Castegan, pendant la mise en onde. Salut Andrew, ça va bien? Ah, ça va toujours très bien. Je regarde les commentaires politiques sur le chat. Ça parle de beaucoup politique. Il va falloir que ça parle geek également parce que c'est l'heure de Puissance Maximale. Et cette semaine, on va parler de, on a des critiques. On va vous parler entre autres du jeu PD The Heist que vous allez vous chercher sur PlayStation 3 et PC. Un jeu first person shooter de vol de banque. On va vous parler de du DLC pour Skyrim Dawnguard qui est sorti la semaine dernière sur PC, mais au mois de juin pour la Xbox 360. On va vous parler de nouvelles. On va vous parler, Andrew, d'un jeu de la PS Vita. Oui, je trouve toujours que la PS Vita manque d'amour. Donc, je vais parler du jeu Gravity Rush sur la PS Vita. Donc, un 3-3 pour M. Andrew Castegan pour les critiques. Et cette semaine, mesdames et messieurs, un invité de marque à Puissance Maximale, encore animateur. Écoutez, ça a été l'animateur longtemps de Puissance Maximale pendant les quatre premières saisons. Monsieur Vincent Langlois. Hey, salut les gars, ça va? Ça va bien, Vincent? Oui, je m'entends pas, mais c'est pas grave. Je pense qu'on s'entend très bien pareil. Oui, moi je t'entends. Ah, c'est super. Ça. Moi aussi, je t'entends, Vincent. Hey, merci, Andrew. Hey, les gars, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Deux heures d'émission, fait qu'on va avoir du fun en masse. Puis en plus, vous allez parler de sujets dont je voulais parler également, parce que tu parlais de Skyrim tout à l'heure, là, c'est un jeu dans lequel je suis retombé dernièrement, puis je me demande comment j'ai fait pour arrêter pendant 4-5 mois de jouer à ce jeu-là. On retombe assez facilement. Moi, j'ai une réponse pour toi, Vincent. Un kid. Ouais, parce oui, que, oui, ben, c'est certain que c'est une très bonne raison. Une des raisons pourquoi Vincent a quitté l'émission, un peu, dans un sens, c'est qu'il y a eu un enfant qui est arrivé, on l'avait souligné en onde. Comment va ta jeune fille? Mais tout va très bien, un beau 4 mois, toute heureuse, c'est vraiment la magie et on est des parents comblés. Excellent, une future joueuse, bien évidemment. Ah, sûrement, oui. Regarde pas mal la télévision quand que j'ai les mains sur la manette. Excellent. Et écoutez, on va commencer ça rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à vous parler cette semaine. Et bien évidemment, on va commencer en musique comme à notre habitude. Et on va y aller avec une promesse de M. Andrew Castegan de la semaine dernière qui nous avait parlé du jeu Katamari Damashi, une franchise PlayStation. Et il nous avait parlé d'une version PS Vita. Et il nous avait promis d'amener une chanson. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose. chose. La chanson s'appelle Katamari on the Swing et il n'y a pas vraiment de nom d'artiste. Vous pouvez trouver ça. En fait, c'est Shigeru Matsuzaki. Voilà. Ah, mais c'est un nom très connu. Ben oui, tout à fait. Sûrement au Japon. Mais le pire, c'est qu'au Japon, il est connu. Ben oui, mais j'ai déjà entendu. Non, Vincent est au courant de tout ce qui. Ben, c'est pour ça que c'est une sommité. Arrêtez. Et vous allez entendre Katamari on the Swing à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. chaudière. Mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale, on va voir une belle critique de jeu et on va vous parler de Payday, The Heist, Payday dans le sens jour de paye. Oui. The Heist dans le sens genre le cambriolage. Vol, le cambriolage. Et c'est un jeu que vous pouvez trouver sur PlayStation 3 et sur PC via la plateforme Steam. Et c'est un jeu qui a été lancé en octobre 2011 par Overkill Software est publié par Sony Online Entertainment. Donc, c'est un jeu de tir à la première personne où on va incarner quatre cambrioleurs qui vont bien évidemment vouloir voler, entre autres, des banques. Et aussi, nous, on a joué Andrew et moi depuis deux semaines et aussi essayé de voler, entre autres, des dealers de drogue. Super plan. Et on s'est fait un peu ramasser aussi. Ah, on était proche de la fin. 75%. Ouais, c'est ça, c'est proche. Donc, parce qu'il y a des missions qu'on n'a pas faites, 25, puis on se faisait ramasser. Ça, c'est un des points qu'il faut savoir. Ce jeu-là n'est pas facile. Puis nous, on s'est dit, on va mettre ça facile. Question de jouer, de voir le jeu. Les deux premières missions seulement sont accessibles au niveau facile. Oh! Donc, faut s'atteler parce que c'est vraiment... c'est pas impossible. Il y en a des jeux, des fois, comme certains jeux PlayStation. Dark Souls. Dont, je voulais dire qu'on ne nommera pas. Mais Dark Souls, qui sont vraiment... des tueurs d'ego pour les joueurs, mais c'est pas le cas ici là pour PD. C'est difficile, mais c'est jouable. En fait, c'est il faut voir ça comme un jeu de tir bourrin, mais stratégique. Ouais, parce que les balles, on les perd hyper vite. Ok, mais là vous jouez à deux, ça se joue ensemble ou en LAN ou sur le même écran? Non, en fait, quand vous jouez PC, vous allez, ben même, j'imagine, PlayStation, on peut aller se créer des parties sur le PlayStation Network. Ouais, sûrement. C'est la même chose en Steam, on y va, c'est un peu. Un petit peu le même principe, un peu que Left 4 Dead. Donc, on est quatre joueurs qui okay. vont aller... En fait, ça a été élaboré sur le même engine. Ouais, c'est pas la même... c'est pas les mêmes développeurs, mais c'est le même engine. Parce que côté graphique, faut se l'avouer, c'est pas le plus beau... C'est pas les graphiques détaillés, mais ça fait très bien la job, c'est super beau. Il faut dire que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir grand-chose. Les textures sont lisses. Ouais. Tu sais, il y a pas de pixels, tu sais, il y a pas hyper de détails, tu sais, ça fait la job. Tu sais, quand on voit une colonne en marbre, on sait que c'est du marbre. Ah, ben, c'est quand même. Ben moi je vais vous dire franchement que j'ai été souvent je me suis souvent arrêté à la qualité graphique des jeux il y a de cela quelques années quand la nouvelle génération est sortie comme la Xbox 360 puis la PS3, je m'attardais beaucoup à ça. Puis à un moment donné le côté jouabilité, le côté fun là, est venu prendre le dessus parce qu'on se souvient qu'avec l'arrivée de la Wii quand on comparait toutes les consoles nouvelle génération avec la Wii, on disait ouais, c'est un petit peu poche la Wii, mais quand même il a sorti quelques bons jeux qui ont été intéressants. C'est un des problèmes aussi qu'on avait relevé à l'émission avec la Wii U qui s'en vient. On sait que côté hardware, ben ça risque d'être un autre problème avec Nintendo. Mais encore une fois, le président de Nintendo, il y a encore deux semaines, disait qu'il n'avait pas peur de ses concurrents et qu'il allait offrir un produit innovateur. Oui. Et le problème, c'est que les développeurs sont pas du même avis. Non, mais c'est ça. Il y a plusieurs titres qui vont être multiconsoles, là, ce qu'on a vu qui va arriver avec la Wii U, mais bon. Ben, c'est ça. Mais au moins, il va y avoir des titres hardcore gamers qui s'en viennent sur cette console-là. Oui, entre autres Zombie U. Alors, revenons à cette critique de PD. Donc, on est les quatre cambrioleurs qui vont justement arriver dans l'endroit qu'on veut cambrioler et à ce moment-là va commencer le coup en question. Donc, vous avez dans le jeu que vous avez l'original parce qu'il y a déjà un DLC qui est sorti. Vous pouvez aller vous chercher. Vous avez 9 tableaux à faire, donc 9 coups à accomplir dans ce jeu-là. C'est un jeu coopératif. Vous pouvez jouer seul aussi avec ou sans intelligence artificielle. Ça, c'est important de le dire. Parce que dans Left 4 Dead, par exemple, quand vous jouez, ben vous avez les trois autres bozos qui vous suivent. Et étonnamment, l'intelligence artificielle dans PD, le CPU a moins tendance à faire des gaffes. Ouais, que dans Left 4 Dead. Dans Left 4 Dead, des fois, il fallait sauver le cul de l'ordinateur. Souvent, c'est l'intelligence artificielle qui va venir nous sauver le cul. Parce que moi, j'ai joué tout seul un peu pour tester. Puis effectivement, des fois, ça leur prend du temps. C'est sûr qu'ils vont vous suivre, vu qu'on vous êtes le seul joueur. Mais ils couvrent assez bien vos arrières. Parce que souvent, il y a des objectifs. C'est pas juste de tirer sur du monde. Puis comme le premier tableau, on rentre dans une banque. Et ce qu'il faut faire pour commencer, c'est aller prendre la clé au directeur de la banque parce qu'il faut rentrer dans un bureau, chercher une drill qui a été cachée par un complice, qui est cachée dans une photocopieuse avec des tanks de gaz. Ça fait que là... Puis il faut trouver les caméras. Il faut trouver les caméras parce que c'est vraiment un jeu stratégique à ce niveau-là parce qu'il faut couper les caméras le plus rapidement possible pour donner le moins d'informations possible à la police. Et ça, c'est aussi quand le tableau avance, on retrouve des caméras dans d'autres parties de la banque, du building. Et aussi, ça donne des informations aux policiers sur notre avancement. gens. Donc là, à ce moment-là, les policiers vont arriver plus facilement à et nous. Et mieux équipés. Et mieux équipés. S'ils savent comment qu'on est équipés, ils peuvent savoir si on est problème de balles ou si on est moins bien équipés, mais ils vont envoyer du monde. C'est vraiment l'intelligence artificielle à ce niveau-là. C'est ça qui fait que le jeu est difficile. Faut vraiment bien prévoir son coup. Pas faire comme moi la première partie où les autres parlaient. On était sur Skype, les autres parlaient. Moi, je rentre dans la banque. Il faut peser sur le bouton H sur le clavier, on jouait PC. Pour commencer le vol, moi je rentre tout seul, je mets mon masque. Ils sont en complet, les personnages avec des masques de clown, mais il y a différentes versions de masque. Moi j'aime bien la version masque à gaz, personnellement. Il y a la version masque zombie parce qu'ils ont fait un crossover avec Left 4 Dead. Donc je rentre tout seul, je mets mon masque, ça prend à peu près 2 secondes, puis je suis mort. Parce que là, il y avait tous les agents de sécurité autour de moi, puis là, finalement la police est arrivée. Puis bon, c'est un petit peu niaiseux ce qu'on a recommencé. Fait qu'il faut vraiment aller chercher les caméras, viens regarder, puis en plus, il y a des civils. On peut pas tuer de civils, ça nous donne des pénalités au respawn. Si on tue un civil, on a 10 secondes de pénalité pour pour qu'on apparaisse, là, pour aider si on se fait tuer. Donc ça paraît, c'est vraiment long, là. C'est une minute quelque avant qu'on respawn. C'est pas 2-3 secondes, là. Ça prend vraiment du temps. Puis là, il faut coucher, il faut leur dire aux civils de se coucher pour les contrôler, puis on a même des tie wraps pour leur attacher les mains pour pas qu'ils sauvent, parce que si la police sort du monde, ben, ils envoient plus de monde parce que là, il y a moins de civils, ils ont moins de chances de tuer quelqu'un, de faire de dommages collatéraux, ça fait qu'il y a plus de monde. Donc, il faut tout calculer ça. Ça amène à un stress, puis là, le fait que les balles sont assez comptées, ça va vite. On a un chargeur de 120 balles avec la mitraillette du début parce qu'on monte de niveau. Il y a un arbre Il y a à peu près 90 niveaux. C'est pour ça. Pour débloquer des équipements, puis il y a 3 classes différentes de cambrioleurs avec des spécialisations, puis le DLC rajoute une 4e classe. Donc, il faut tout penser à ça. C'est vraiment, ça amène un stress, c'est vraiment le fun. Dans Left 4 Dead, il faut être stratégique quand même, mais on peut quand même être bourrin puis tirer dans le tapis. En plein ça. Mais dans PD, il faut quand même prendre son temps, il faut vraiment penser à ce qu'on va faire. Et on avait joué le tableau tout de suite après la première banque, on est dans la rue, puis il faut courir après un gars qui essaie de nous a trahi, qui part avec la manette d'argent. Fait que là, il faut le rattraper, mais il y a de la police partout en ville. Il faut vraiment prendre son temps, se cacher. Ben en fait, ça se passe immédiatement après la première mission. Il y a une continuité dans Les deux premiers, oui. Les deux premiers, oui. En fait, ils volent une banque, puis après ça, quand ils sortent de la banque, il y a un complice qui est supposé les attendre avec un van. Puis dans le fond, la deuxième mission commence à l'arrière de la banque, où ils viennent de loader la van, et le gars décide de faire « OK, ben moi, je m'en vais, et je vous abandonne », mais ça cause que la police, les SWAT, l'équipe tactique, sont déjà dans la rue. Puis là, nous autres, il faut qu'on se fraye un chemin à pied. Jusqu'à Fourgonnette. Parce que le gars s'est fait pogner, bien sûr. Fait que, puis là, après ça, le gars, ben, il est dans son camion. Il veut pas sortir. Faut trouver une façon de le faire sortir. C'est assez... le niveau de difficulté monte assez vite, disons. C'est ça. Ce tableau-là était assez difficile. Mais vous voyez un peu le genre tactique, un contexte vraiment intéressant. C'est un shooter. Ça fait vraiment différent. Il faut vraiment le jouer vraiment plus... justement, plus tactique, parce que sinon, on peut pas rentrer dans le temps avec sa mitraillette, parce qu'après une minute, on a plus de balles, puis on est au petit 9 mm silencieux. Puis c'est pas comme dans Left 4 Dead, il y a des balles, c'est pas des balles illimitées, donc faut vraiment tout calculer, il faut vraiment faire attention. En même temps, ils ont fait par exprès pour que le système de visée ne soit pas précis. Oui, c'est vraiment, j'imagine que ça s'améliore selon les armes qu'on va avoir. Ben le sharpshooter va s'améliorer, mais ça cause que faut se dire que c'est pas des experts, tu sais, c'est pas des militaires qui ont été entraînés. Fait que quand on commence avec un gun semi-automatique, la visée est loin d'être précise. Quand on se met en mode visée, on n'a pas la cible pour nous dire qu'on est vraiment dessus. On y va vraiment à peu près. Les balles touchent pas tout le temps. Donc, tu sais, je pensais que c'était un défaut du jeu, mais c'est voulu. Les développeurs ont développé le jeu comme ça pour que quand on monte de niveau, qu'on ait des guns plus précis, justement, et que nos personnages deviennent meilleurs, dans le fond, dans qu'est-ce qu'ils font. C'est ça. Puis dans le troisième tableau, entre autres, là, on va voler des dealers de drogue dans un édifice un peu désaffecté. Puis on arrive là, puis ils ont vraiment une voûte, un genre de gros coffre-fort où ils mettent de la drogue et de l'argent, puis ils vont poser des scies pour scier autour, puis attendre que la police arrive, puis tuer aussi les dealers qui nous attaquent. Puis quand ça s'est tombé, il faut poser du C4 partout pour essayer de libérer, puis après ça, il faut remonter sur le toit. Il y a de la police tout le temps. C'est très, très, très intense comme jeu. Il y a pas beaucoup de temps mort. Ça va vite. Faut vraiment avoir l'œil et la main rapide lors des missions. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu de tir là, parce que ça fait différent justement des Battlefield, des Call of Duty de ce monde. J'aime bien Left 4 Dead, mais tuer autre chose que des zombies. Mais c'est pas pour tout le monde. On connaît du monde qui joue beaucoup à des jeux de tir, puis ils sont mitigés sur le jeu, mais à cause que la difficulté est là. Si on n'est pas patient, si on n'a pas le goût de recommencer une mission plusieurs fois, ça peut rebuter certains joueurs, là. Oui, il faut s'y attendre. Puis au niveau de connectivité, là, avez-vous des problèmes entre personnes, à l'Internet, tout ça? Là, ben là, ça a bien été? Non, ça s'est bien passé. Là. Nous, dans le groupe où on avait joué, tout le monde a quand même une bonne connexion Internet. On a quand même tous des bonnes machines, là, donc c'est pas trop un problème. Leur serveur est correct aussi? Là. C'est ça. Ben, en fait, nous, je me rappelle pas, est-ce que c'est nous qui avons... C'est hosté local. Ok, ouais, c'est bon. Donc c'est comme pour Left 4 Dead aussi, on va souvent on peut le faire, vous pouvez, il y a la possibilité de le faire comme dans Left 4 Dead présentement, ce qui est un problème pour les gens qui ont pas peut-être la machine pour justement soutenir le serveur local, ben c'est qu'il y a pas souvent des serveurs dédiés pour le jeu qui sont libres, puis souvent il y a d'autres genres de serveurs qui sont possibles, mais des fois eux des fois sont moins c'est moins fiable un peu. C'est que nous on l'avait fait en local parce qu'on a quand même des bonnes machines, des bonnes connexions internet. Fait que ça s'est super bien passé, nous on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais il faut toujours faire attention parce que des fois ça peut poser des problèmes. On avait une amie qui jouait avec nous qui a eu la première partie, son bonhomme jouait au ralenti. OK. C'est un problème avec sa machine, là. Mais c'était vraiment drôle parce qu'il était comme immunisé à tout, mais à tirer très très très lentement. Puis on le voyait, nous, c'est pas juste dans son écran, c'est on le voyait marcher pas à pas, puis elle avait comme un M16, puis pas, tranquillement, OK. Mais les balles tuaient les policiers, mais les balles de policiers la touchaient pas. Ah. Ou la touchaient en grande quantité, mais ne faisaient absolument rien. Donc, elle avait sûrement aucun plaisir à voir ça aller sur sa machine, j'imagine. Non, on a réussi à jouer avec elle plus tard. Ah, mais je trouve ça intéressant, les gars, parce que moi, c'est un jeu que j'avais vu justement quand il était sorti sur la PS3. Parce que, bon, je suis pas mal un joueur de PS3 ces temps-ci, puis ça fait quand même un petit bout qu'il est sorti, là, quasiment un an. Puis, c'est drôle, je l'avais pas acheté. J'attendais, je regardais un petit peu le vidéo. C'est vrai qu'au niveau graphique, c'était pas parfait, mais puis là, de savoir qu'il y a 90 niveaux différents, que tu peux améliorer justement même le port d'armes, tout ça, là, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des accessoires qui se rajoutent, des fois plus de tie wrap, avoir un sac de munitions, encore un pack sac qu'on va mettre à terre, à un point où on va être obligé d'être en attente, en siège, comme attendre à ce point-là, mais on peut avoir des balles au moins. Il y a d'autres possibilités aussi, des accessoires qu'on peut avoir. Puis en même temps, avec qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça avait été annoncé lors du E3, la compagnie justement qui a fait le jeu ont un partenariat avec l'équipe qui a fait Left 4 Dead et il y a des DLC gratuits qui s'en vient sur le jeu. Il y a le premier qui est déjà sorti qui est la map No Mercy de Left 4 Dead qui est disponible dans PD. Dans le fond, c'est des maps qui se passent avant l'infection de virus, au tout début de l'infection, avant que Left 4 Dead arrive. Ils n'ont pas spécifié s'il allait avoir des informations sur comment Left 4 Dead arrive, mais avec la vidéo de No Mercy, on voit un peu le début, puis les autres, ils rentrent pour aller voler des médicaments pour empêcher d'être contaminés. Fait que ça donne une petite idée, ça risque quand même d'être très intéressant. Donc, on a hâte de voir ça, on a hâte de tester ça aussi également avec PD The Heist, que vous pouvez aller vous chercher sur PC via Steam et sur PlayStation Network. Donc, on va continuer en musique après cette critique de ce jeu très intéressant qu'on conseille à tous les amateurs de first-person shooter stratégique. Donc, on va continuer avec Immigrant Song de Led Zeppelin. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale. Oh oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson. Et on va y aller en nouvelle ludique avec M. Andrew Castegan qui va nous parler d'un volte-face assez curieux de Sony. Oui, ben premièrement, pour les gens qui ne le savaient pas, actuellement en Europe, il y a la GamesCon qui est un peu comme l'équivalent du E3 en Europe. Il y a moins d'annonces, je vous dirais, là, que le E3, mais c'est quand même très intéressant à regarder. Il y a beaucoup de vidéos. C'est beaucoup des moi je vois beaucoup d'images passer des jeux, justement des vidéos. On va vous parler d'un peu du développement des jeux, mais pas tant des nouvelles annonces là. Ben c'est surtout les studios européens qui annoncent leurs jeux, des choses comme ça, les plus petites compagnies là. Un peu comme un exemple, la compagnie Dontnod, qui est une compagnie qui a travaillé sur justement le jeu Heavy Rain. Quand même un gros nom, là. C'est pas le studio primaire, mais il a travaillé sur ce jeu-là. En fait, ça fait plusieurs années qu'ils ont un projet, petit jeu d'action un peu à la Uncharted, passant dans un monde futuriste du nom de Remember Me. Et dans le fond, c'était un genre de jeu un peu... le style de gameplay ressemble à Uncharted, mais ça ressemble à 2X. Comme ambiance. Okay. Donc, dans une ville hyper technologique. Puis, dans le fond, c'est un jeu où on joue une fille qui fait partie d'un groupe de rebelles, dans le fond, parce que dans ce monde-là, la mémoire des gens est contrôlée par une société. Et s'ils veulent pas que les gens se rappellent de quelque chose, ben, ils effacent la mémoire des gens. Et il y a un groupe qui se rebelle pour dire non, la mémoire est un bien acquis et n'est pas un bien commercial. Et dans le fond, on joue un personnage qui se promène là-dedans. Et on peut modifier les mémoires des gens. C'est un concept qui a l'air vraiment très intéressant. Au début de la Gamescom, justement, ben, Dontnod ont fait une conférence de presse pour montrer où est-ce que le jeu était rendu, en montant une vidéo de gameplay, en disant « ça s'en vient ». On a eu un contrat de publication avec Capcom, ça s'en vient en exclusivité sur Sony, sur la PlayStation 3. Vous allez capoter, on veut faire ça d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Tout le monde était content, tout le monde était enthousiaste. Mais on est très content aussi, là. Moi-même, j'ai hâte de l'avoir. Mais aujourd'hui, il y a eu... une petite trahison, un petit coup de poignard dans le dos. Le jeu est en développement depuis très très longtemps et Sony a décidé d'annuler le support. Au lendemain de l'annonce. Au lendemain de l'annonce. Ils ont dit que le développement du jeu a été trop houleux, qu'ils n'ont plus confiance en Dontnod et qu'ils abandonnaient l'exclusivité et le support du jeu. Fait que Capcom se retrouve en avant de ça puis ils font... OK. Capcom allait publier le jeu sur la console de Sony. Exactement. Et présentement, ils sont en train de remettre en question cette publication pour peut-être dire exclusivité PC puis Xbox. Ça pourrait être intéressant. Puis ils pourraient aussi même juste dire à Sony, regardez, pour nos prochains titres, là, ça se peut qu'on les sorte plus tard sur PlayStation. Surtout que c'est un jeu qui a coûté beaucoup de millions à développer. Ça fait des années, puis... c'est un gros nom, on s'en le cachera pas. C'est la première fois que j'en entendais parler, je vous dirais, là, mais quand j'ai vu les studios en arrière... Puis surtout publié par Capcom. C'est ça, quand j'ai vu les studios, puis quand j'ai vu le vidéo de gameplay, puis j'ai fait « OK, c'est le même studio qu'Heavy Rain », j'ai fait « Hey, ça a du potentiel, ça! » Puis j'étais content d'avoir une Play 3, mais... Finalement, ben, t'as un PC. Ben, j'ai un PC, j'ai un Xbox 360, je suis correct. C'est l'avantage d'être multiplateforme, mais je pense à tous ces gens qui ont juste une PlayStation 3. Ils vont être orphelins. Oh mon Dieu, ça va être assez incroyable. Mais il n'y a quasiment pas de jeu sur cette console-là. Ah non, c'est à peine. Ouais, il sortira un an plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, des choses comme ça. Ouais, ben surtout s'il y a un succès, Sony va-tu se mordre les doigts? Ils vont faire ça risque d'être un succès aussi. Mais tu sais, c'est quoi la réaction de Sony dans ça? On sait certain qu'on ne connaît pas les détails de l'histoire, là. Mais c'est une réaction de grosse tête enflée qui dit j'en ai pas besoin de vous autres ou quoi? Là, ça se rajoute aux nombreuses décisions de cabochon que Sony a prises. Dans les dernières années, oui. Oui, dans les deux dernières années, je vous avec ce qui s'est passé avec le PlayStation Network, avec la PS Vita, les problèmes qu'il y a eu, entre autres, pour les bundles offerts en magasin, la connectivité qui était promise. Mais il y a eu des annonces qui seraient passées aujourd'hui. J'ai pas eu les détails, mais un programme d'acheter un jeu PlayStation 3 et vous auriez la version gratuite sur votre PS Vita. S'il y a une version qui sort sur PS Vita, bien évidemment, c'est sur certains titres. Je dirais, j'ai fait des recherches sur les internets et j'ai trouvé aucune mention de ça. Est-ce que ça aurait été une info leakée qui n'était pas supposée? Je sais pas. Mais il n'y a plus aucune information de ça sur Internet. Parce qu'on avait parlé qu'il allait avoir quelque chose du genre à la sortie, mais bien évidemment, Sony, encore une fois... Ouais, le programme passeport. C'est là. Ça, ben ça n'a pas passé, ce passeport-là. Et d'autres mauvaises nouvelles comme ça qui n'arrêtent pas d'arriver du côté de Sony, des mauvaises idées. Mais par exemple, je peux vous annoncer une bonne nouvelle. T'sais, j'avais parlé du contrôle à distance de la PlayStation 3, qu'on n'était pas capable de jouer à des jeux de PlayStation 1 et ni aux jeux de PlayStation 3 comme Sony l'avait promis. Ils ont révisé. À ce temps, ça a de l'air qu'on est capable de jouer à des jeux de PlayStation 1. Sur avec ta console? Avec la PS Vita, la PS en prenant Vita, okay. La PS3 à distance. Mais si je download le jeu de PlayStation 1 sur ma Vita, ça marche pas. Faut que je rajette la version formatée pour la PS Vita. Fait que j'ai le choix entre jouer au jeu sur ma Play 3 directement ou être en réseau local, me connecter sur ma Play 3 puis jouer au jeu avec une qualité très mauvaise parce que j'ai une perte de qualité d'image incroyable à cause de ta distance. Moi, je vais vous dire franchement, les gars, là, j'ai vraiment l'impression que c'est la compagnie qui avait peur en 2006 parce que Microsoft avait lancé la Xbox 360 un an avant, qui a sorti sa PS3 en même temps que la Wii. La Wii, c'était tout nouveau. Tout le monde en a acheté une à un moment donné, puis ils se sont dit « Hey, wow, c'est super ». Ils ont eu peur. Ils ont mangé leur bas pendant pendant quelques années. Puis j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris le dessus. Là. Ils ont battu ce que Microsoft était. Ils ont passé par-dessus la Wii. Puis là, maintenant, qu'ils sont premiers. Là. Parce que côté matériel, ça reste que la PlayStation 3, c'est une méchante belle machine. Mais oui, c'est le problème, c'est ce qu'il y a autour. C'est Sony. Je veux dire, on dirait qu'ils font par exprès pour se mettre les joueurs à dos. Puis c'est pas une fois de temps en temps. Là, on dirait que ça arrive à peu près à tous les mois. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. On dirait vraiment que... Mais il faut dire que l'industrie, on en parle souvent à l'émission, c'est que l'industrie, là, les majors de l'industrie du jeu ont vraiment l'air de prendre les joueurs comme des imbéciles. On a encore des gens de... CD Projekt Red, dont on parlait la semaine passée, les gens qui ont créé le jeu Witcher, qui disaient « C'est ridicule de faire payer pour les DLC maintenant, parce que la plupart des DLC d'aujourd'hui, c'est du matériel, il n'y a pas d'heure de jeu rajoutée, ou à peu près pas, puis on paye le gros prix, on a juste à penser, on en parlait à Battlefield 3, hey, ça coûte 50 pièces de devenir premium, des jeux, on va en parler plus tard de Dawn Guard, c'est 20$ avoir Dawn Guard. » J'ai joué, je vais vous en parler tantôt, mais je trouve ça un peu cher. C'est si on avait à l'époque on payait pour avoir les expansion packs des jeux. Tu n'avais pour ton argent. On avait vraiment des heures là. Ouais. Juste à penser aux expansions de Neverwinter Night là à l'époque. Là. Mais je pense que ça se reflète beaucoup le dégoût des joueurs juste à regarder les projets Kickstarter qui partent justement, puis le monde qui embarque là-dessus, puis juste la Ouya. La Ouya, ça va être un projet. Ça c'est la réponse. Que j'espérais à l'industrie du jeu. Hey, une console à 100$ avec accès sur le free-to-play, donc le jeu gratuit, ils vont nous laisser hacker notre machine. T'sais, c'est s'ouvrir aux joueurs. Je veux dire, mettez le plus de barrières possible au monde, c'est sûr et certain que ça va empirer. Sony l'a vécu avec son PlayStation Network. Après que vous en ayez parlé, je vous dis, je suis allé sur le site internet puis j'ai presque acheté ma console. J'ai attendu encore un peu. Je voyais avril 2013 comme date de sortie. Là, je disais, c'est un peu loin, j'ai encore le temps d'y penser. Là, D'ailleurs, la Ouya est encore disponible en précommande sur le site. Suite à la fin du Kickstarter, ils sont partis à un site qui est ouya.tv. Si on va dessus, on peut encore précommander la console. La seule chose, c'est qu'on peut juste avoir la console version standard, là, la blanche, au lieu d'avoir la bronze qui avait sorti sur la dernière semaine du Kickstarter. Ben, c'est pas très grave. On parle de couleur ici. Oui, c'est ça. Ça reste quand même 100$ avec le 20$ de shipping pour le Canada. Donc, une belle option pour les gens qui sont un peu tannés du mainstream gaming. Vous pouvez vous chercher quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Puis en plus, c'est possibilité d'aller bagasser dans votre machine sur plateforme Android. Autre nouvelle sortie cette semaine du jeu Sleeping Dogs sur, entre autres, PlayStation 3, Xbox également. Et PC. Et PC aussi. Un jeu où on va être dans l'univers des triades chinoises, si je me rappelle bien. Et Square Enix... En fait, on joue un policier infiltré. On fait un agent double, donc, dans le monde des triades. Et on peut dire que Square Enix sait où est-ce qu'ils s'en vont. Parce qu'ils perdent pas vraiment de temps. Ils veulent rentabiliser vraiment au maximum la sortie de leur jeu. Parce qu'a déjà planifié 6 mois de contenu téléchargeable, déjà. Puis on parle d'une sortie, c'est sorti mardi, là. Donc, ça a commencé dès le même jour que la sortie. Donc, vous pouvez investir dans un Retro Triad Pack pour adopter un look vestimentaire style années 80. Qui se déclinera aussi au véhicule. Il y a des racing packs qui s'en en septembre, mais un sweat pack également. On n'a pas encore les prix, mais c'est déjà en ligne. On en parlait il y a 2 secondes, là. vraiment prendre le monde pour des imbéciles. Et même, on avait le... Je pense que c'est sur Marvel versus Capcom ou Tekken... Tekken versus Street Fighter. Cross Street Fighter, où il y avait déjà les contenus téléchargeables sur les CD. Il fallait juste payer pour le déverrouiller. C'est ça. Donc, ils sont déjà prêts, puis on sait pas. Des fois, moi, ça me dérange pas de payer peut-être 1 ou 2 $ pour des packs comme ça, mais ça coûtera pas 2 $. Là. Mais moi, j'ai un de mes amis qui l'a acheté, ce jeu-là, cette semaine, puis il en parle en très grand bien. Ça a l'air très bon. C'est la même gang qui avait développé True Crime dans le temps. Hein? Ben, en fait, la série a été abandonnée. Ça. C'est ça. Quand Square Enix a racheté Eidos, ils ont racheté ce studio-là. Puis, c'est ça que je trouve bien de Square Enix, mais en même temps, c'est leur mauvais côté. Square Enix ont racheté Eidos pendant qu'Eidos était vraiment dans un crash monumental. Tous les jeux qui sortaient, m'excuse d'utiliser le terme, c'était de la dompe, là. On se cachera pas, là. C'est pas un gros terme. Puis, c'est même poli. Oui, c'est ça. C'est... Mais ils ont racheté Eidos. Ils ont vraiment augmenté la qualité des jeux qui sortent de ce studio-là. Quand ils ont regardé True Crime, ils ont fait « Hmm, on pourrait aller taper dans un genre Red Rockstar avec Grand Theft Auto. Ouais. » Puis ils ont décidé de vraiment se concentrer là-dessus puis faire un jeu qui est quand même bien coté. Il y a de l'air vraiment bien. Puis l'engine graphique, à part que les personnages, je trouve qu'ils ont de l'air un peu plastique dans la vidéo, il a vraiment de l'air beau, là. J'ai été surpris, mais par exemple, la chose que je trouve moins le fun pour Square Enix, c'est qu'ils ont amélioré tellement la qualité des jeux Eidos que c'est les jeux de Square Enix même qui commencent à en souffrir. Juste à regarder Final Fantasy, les derniers Final, là, je m'excuse, là, sont plates. Vaut pas la peine d'en parler. Ne partez-moi pas là-dessus. Mais c'est quand même là, True Crime, même si Square Enix ont vu quelque chose de grandiose là-dedans quand ils ont acheté, c'était déjà très bon dans le temps de la PS2. Là, je me souviens d'avoir joué aux deux, là, puis j'ai eu du fun. C'était vers la fin de la gloire de Eidos. Oui, c'est ça. Donc, après ces excellentes nouvelles ludiques, on va continuer en musique avec une autre excellente chanson, parce qu'à Puissance Maximale, vous n'écoutez que de l'excellente musique, et vous allez entendre le parapluie de Daniel Bélanger sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec sur Puissance Maximale. Fragile petit matin sans pluie, que mon parapluie garde en respect. Mais le ciel est au chagrin, et s'il avait deux mains, il chagrinerait. Je marche inquiété de me noyer dans l'orage, et je compte au passage les chauffards qui ont le doigt dans le nez. J'y monte pour m'asseoir, mais reste debout. C'est comme être 100 milliards sur la lune pour un soir. Ça tire dans le cou. Je regarde les aiguilles de mon temps. J'ai une fille dans le sang. Si j'arrive en retard, elle va m'engueuler. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer. Une jeune fille, une maille à la cheville, belle, elle me dit: Parlons, cher monsieur, est-ce à vous ceci? Je prends un air ébahi, je m'écris: Ah, mon parapluie! Elle l'a trouvé. les yeux verts, pourquoi faut-il que je t'enfile? Et ça sent la poussière, le vent soulève la terre de chasse de baisers. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer, continuer. Grand chemin, je continue l'air malin, l'air de tout savoir. Mais au fond, je ne sais rien, enfin, presque rien. Une coche au-dessus d'une poire. Mais c'est bien suffisant pour aimer tendrement et avoir une idée de ce qu'est. Parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer, continuer. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, moi aussi, j'écoute Puissance Maximale quand je suis au Québec. T'es chanceux. Oui, hein? Je l'écoute toutes les soirs où je la mets en ligne. J'écoute toutes nos émissions. Et parce que c'est excellent, vous devriez aller le faire aussi au www.puissancemaximale.com. Allez chercher nos anciennes émissions, envoyez-nous des commentaires. Et on oublie souvent de le dire, mais gênez-vous pas pour nous envoyer des courriels. Vous avez une activité geek, une activité ludique dans le coin de Québec où on pourrait se déplacer. On serait heureux de couvrir ça avec l'émission. Vous voulez venir parler d'un projet geek à l'émission aussi. Envoyez-nous un petit courriel qu'on puisse discuter de ça avec vous. On est toujours ouvert à recevoir des invités ludiques à Puissance Maximale. Maximal. On aime ça de la visite, on n'est pas sorteux. On est bon, non, pas si peu. On est non, très... en fait, on est, je trouve qu'on est quand même relativement sorteux. je dis souvent que je suis geek à tendance sociale. Ah, c'est super. Donc, on continue après cette belle introduction de ma personne. Encore en nouvelle ludique, et on va commencer rapidement avec un retard pour PlayStation All-Stars Battle Royale, qui avait été annoncé un genre de... la copie de Super Smash Bros. Ah, tout à fait. Là, pour ceux qui ont vu des vidéos, c'est Super Smash Brothers, mais avec des personnages de Sony et de PlayStation. Ce jeu-là a été retardé, donc en retard d'un petit mois, donc il ne faut pas pleurer tout de suite. À place d'arriver le 24 octobre sur PS3 et PS Vita, ben, ça s'en vient le 21 novembre. Donc c'est pas si mal que ça, vous allez pouvoir entendre. Vous savez, je suis sûr que ça va améliorer le jeu ce mois-là. Ah, c'est certain. Il va être meilleur. Non, ben moi je sens qu'ils vont juste prendre ce mois-là pour planifier plus de DLC. Ben, en fait, ils disent que c'est pour peaufiner le jeu et effectuer les derniers réglages pour équilibrer les combattants, tous ayant une forte affinité avec la marque PlayStation. Bullshit. Donc, effectivement. Ou c'est juste pour mieux organiser leur marketing. Je m'excuse, là, mais ce jeu-là, là, il était jouable au E3. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis tous les personnages étaient accessibles au E3. Fait que viens pas me faire suer avec ton ajustement. Ah, mais c'est peut-être ça, tu sais. Il y a eu des tests. Ah, finalement, lui, il est plus fort. Ils ont arrêté la production, là. Tu sais, ils sont rendus à des millions de produits, là, après à te mettre dans les boîtes, puis ils vont tous les jeter. C'est ça, tu sais, ils retardent d'un mois. Fais-moi pas à croire, genre, que les 10 sont pas déjà en train de se faire graver pour le lancement mondial. Pas du tout, pas du tout, Andrew. On devrait écouter les corporations. Ils ont la vérité. Ah, t'as rien à dire là-dessus. La vérité étant un gros S avec des bords dessus, là. Ouais, c'est ça. J'avais le goût de répondre. Ça s'appelle pas TVA. Ah non, c'est vrai. Parce que TVA, c'est vrai. Ils disent. C'est vrai. Ils disent à TV, ça doit être vrai. Donc, Andrew, j'imagine que tu as également une nouvelle pour nous. Ben oui, on aime ça en parler. La Wii U. Ouais, on en a parlé beaucoup. On a la Gamescom actuellement. Est-ce que Nintendo a annoncé qu'est-ce qu'il y a dans leur machine, leur hardware? Non. Non, pas encore. Es-tu vraiment supposé sortir à la fin de l'année, là? C'est supposé, c'est ouais, supposé. C'est ça. Mais on sait toujours pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, on l'a juste vu sur vidéo, hein? Ouais. Ben, encore, le seul gameplay qu'on a vu, je pense, c'est Zombie U. Hein, ouais. Mais avez-vous été impressionné, vous, par ce que vous avez vu? Zombie U, oui. Oui, ça, ouais. J'ai hâte de voir ça. Avec la manette, là, j'ai fait... La manette, je la trouve très intéressante. Ça amène une autre dimension au gameplay. Ça enlève un peu, justement, toujours t'es obligé de sortir de l'écran pour s'ouvrir un menu. Ça, on a accès rapidement. C'est une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique. Ça, je trouve ça intéressant. Putain, le jeu, il a de l'air quand même beau. Pour Zombie U, oui. Ça a l'air d'être intéressant. Mais je dis, en général, à part ça, c'est une belle bébelle, là, la manette. Là, ça amène une dynamique intéressante. Mais moi, tant que j'ai pas le hardware entre les mains, savoir ce que ça vaut. Ouais, en plein ça. Tu sais, moi, de ce que j'ai vu, le seul, je pense qu'avec l'écran de la manette, tu pouvais voir autour de toi, là, un peu ce qui se passe autour, là, comme un peu en petite virtualité, tout simplement. Oui, oui. Ben, comme la réalité augmentée. En plein ça, mais bof, j'étais pas plus impressionné. Là. Mais Nintendo se fait toujours attendre pour les caractéristiques physiques et les publiers, les publishers, bref, les éditeurs, voilà, je cherchais le mot. Félicitations. Ne se gêne pas de parler de cette console. Et une autre personne a fait une sortie publique, monsieur Xander Davis, qui est un développeur de jeu qui a travaillé sur Darksiders 2. Mentionne que de façon matérielle. Darksiders 2, d'ailleurs, qui est sorti aussi cette semaine. Oui, oui. Que matériellement parlant, la Wii U serait l'équivalent d'une Xbox 360, mais à 400$. Sorti 7 ans trop tard. C'est assez dans les dents, ça. Parce que dans le fond, qu'est-ce que le gars il dit? C'est que, à part la manette, effectivement, qui donne un aspect différent de jeu, il dit la console est overpriced pour qu'est-ce que physiquement. À contient. C'est pas un temps un centre multimédia, il lira pas les Blu-ray, on le sait pas, mais... Nintendo avait ouvert que si on mettait un DVD dedans, ça allait lire. Parce qu'on se rappelle que la Wii ne lit pas les DVD. Non, mais t'as quand même la possibilité d'aller chercher des applications comme Netflix ou si t'es aux États-Unis... Ouais, ça va rester. Ça va ouais, rester. C'est ça. Ben, je veux dire... Non, mais c'est un marché. Je comprends. C'est un marché que Nintendo va s'occulter avec ça parce que vous avez PlayStation. Moi, j'ai pas de Blu-ray à la maison. Là. La Wii A. J'ai mon PlayStation 3, that's it. Juste la Wii A va venir détrôner toute console actuelle. Ils veulent mettre XK, je me rappelle pas trop quoi, qui est un lecteur multimédia un peu comme VLC. Il va lire absolument tout. On le branche en réseau avec notre PC. Voilà. C'est ça, puis Nintendo s'obstine à ne pas ouvrir leur console au multimédia. Mais en même temps, c'est un public de famille, c'est pas des gens qui sont calés informatiques habituellement, c'est des joueurs Mais non, mais au moins lire un DVD. Au moins. T'sais, le kid est capable d'opérer une Wii. Combien de parents chialent que leur manette de lecteur DVD s'est perdue ou brisée parce que le kid a joué avec? Manette de Wii, là, il sait opérer ça. Puis tu mets une interface graphique pour partir ton DVD. That's it. T'as une solution gagnante. Puis le monde va acheter une Wii pour une console. Puis en même temps, ils vont mettre ça dans le salon des enfants. Puis ils vont pouvoir écouter eux-mêmes leur DVD. C'est pas compliqué. Il y a quelqu'un de marketing chez Nintendo qui manque quelque chose. Et là, au niveau de la Wii U, t'as encore doublement la possibilité de mettre un DVD dans la console puis que le kid le regarde sa manette pendant que maman écoute la TV. Puis là, c'est juste un moment où... Oh, c'est pas peut-être. C'est comme... Nintendo, là, serait temps, là. C'est commencé à sortir des infos, là. Vous voulez sortir ça à Noël, là. Serait temps que vous embrayiez, là. Alors, ce qu'on sait pas, c'est... Ce qu'ils veulent pas nous dire, c'est que ça va être des mini-disques comme la GameCube, peut-être. C'est pour ça que ça rentrera pas. Des disquettes 3 pouces. Floppy disk. On revient au floppy, là. C'est ça, mais je serais pas trop étonné. La Nintendo. Une autre, écoutez, parlant de Nintendo, une petite nouvelle que sur les sites européens que j'ai trouvé, que je trouve assez. Je trouve ça assez plate. Une nouvelle titrée Nintendo ne tient pas ses promesses. Donc, en mai dernier, Satoru Iwata, donc premier test, donc j'imagine que c'est un membre de l'équipe de Nintendo, on le mentionne pas dans l'article, promettait que le prix conseillé de la version téléchargeable d'un jeu 3DS ou Wii U serait le même que celui de la version boîte. Donc, qui est quand même assez intéressant supporter son argumentation. C'est, en fait, Satoru Iwata est le président de Nintendo. Donc, félicitations à moi. il donnait l'exemple de ce New Super Mario Bros. 2. 3 mois plus tard, les bonnes résolutions de Nintendo, ben, finalement, ça serait pas si bon. On parlait à peu près une promesse électorale comme on entend autant là, ces temps-ci, parce que finalement, les tarifs des premières vagues de jeux 3DS viennent d'être annoncés dans cette politique-là. Puis c'est 10, on parle en euros ici parce que c'est une nouvelle européenne, mais on peut s'attendre des fois à des 10 euros de plus. Pour une version téléchargeable? Oh oui, monsieur. Et le site en question, qui est jeuxvideo.com, aurait tendance à dire que Nintendo aurait cédé au lobbying des grandes chaînes de vente de jeux vidéo, ce qui serait pas faux, là, parce qu'on s'entend que le lobbying, ce n'est pas que dans la politique qu'on entend parler de ça. Les gens veulent défendre leurs intérêts, donc les grosses chaînes comme il peut y avoir les Best Buy, GameStop de ce monde, qui vendent, les Future Shop, qui vendent beaucoup, beaucoup de copies matérielles, mais eux autres, ils veulent avoir leur part du gâteau, puis ils veulent pas que les gens désertent leur magasin, parce qu'avec une version téléchargeable pour qu'on ait une bonne connexion Internet avec une bande passante intéressante, pas 20 gigs parce que ça se remplit assez vite. Et voilà, on n'a même pas besoin de partir de notre salon et on a notre copie à la maison. Fini les lignes d'attente, fini les commis plus ou moins connaisseurs de la chose et fini aussi les heures bêtes à la caisse. Et aussi les autres geeks autour qui sont des fois pas très empathiques et qui peuvent nous faire suer pendant la ligne d'attente. Ou on évite tout ça. Les phénomènes du geek odorant. Oui, effectivement, là, les gens n'osant pas se laver par peur de représailles d'un être quelconque, ben, on évite tout ça et on a accès à une copie rapidement. Mais donc, c'est avec le désavantage de ne pas avoir le jeu physique dans Pas de jeu physique, pas de livret, pas rien, mais quand même, là, est-ce que c'est pas ça? On en parlait avec il y a plusieurs années avec les CD, là. Tout le monde télécharge maintenant sur Internet de façon légale, j'imagine. Et il y avait comme une désertion des magasins type HMV ou tout autre comme ils ça. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont encore là. Ils sont renouvelés un peu dans le commerce en rajoutant plus du DVD, du Blu-ray, en vendant un peu plus d'affaires. Des t-shirts. Beau t-shirt que Mike porte actuellement de Tobo. Mais tu sais, est-ce que c'était pas annoncer un petit peu à l'avance que ça allait faire la même chose pour les magasins de jeux vidéo. Tout ce qui est donné maintenant dans ce genre-là... Vous savez, c'est ça. Les compagnies là, qui font maintenant des clés à rentrer pour pouvoir soit télécharger du contenu ou soit aller jouer sur Internet, quand tu revends ton jeu usagé, ben il vaut plus grand-chose. Il faut que tu rachètes une clé si tu l'achètes usagé. Souvent, c'est quand même $10. Donc, il y a les grandes corporations, les grandes compagnies ont commencé à contrer un peu cette revente de disques là ou de jeux là. Mais l'industrie du jeu usagé est où? Un plus ou moins en péril présentement, même les magasins eBay Game, GameStop, là, des fois, ils parlent de pas reprendre certains jeux. Le PC, ça fait longtemps que c'est mort là, du côté de GameStop. Là, on reprend pas les jeux PC usagés. La seule compagnie qui me faisait encore, à ma connaissance, c'était CDVD. Il y en avait un à Lévis, puis il est fermé à cette heure. Donc, rendu un bureau pour les libéraux pendant les élections. Damn you, libéraux, en plus de nous avoir pendant 9 ans et de nous faire accroire plein de choses, ben vous nous volez nos magasins de jeux, honte à vous. Donc voilà, mon éditorial politique est fait pour l'émission. Donc voilà, écoutez, on est pas content, mais Nintendo, come on. Oui. Donc tenez vos promesses, industrie, sinon on va aller voir chez vous et vous chicaner. Mais on vous l'a dit, à puissance maximale, on est toujours prêt à servir de consultant pour les compagnies. Là, ça fait plusieurs fois qu'on l'offre à Microsoft, qu'on l'a offert à Nintendo. Pendant un moment, on pensait que Nintendo vous avait écouté, là, mais bon... Malheureusement pas. Vous n'avez pas parlé japonais? Non, ben je leur ai dit merci, mais c'est pas assez, je pense. Ouais. Ben, tu sais, il y a le gars qui fait tout le temps une conférence... ou à trois qui parlent anglais, là, je m'en rappelle plus de son nom. Oui, qui est d'origine créole, je crois. Oui, il y a un nom. Bien aimé, je crois. Oui, consonance française, c'est ça. Donc, on va s'essayer, on va l'appeler. Écoutez, tout de suite, non, c'est une blague. On l'appelle en direct. On l'appellera plus tard. Donc, voilà, c'est terminé pour les nouvelles ludiques pour le moment, parce qu'on va franchir le cap de la première heure de l'émission. On va vous laisser avec quelques publicités et on est de retour tout de suite après à puissance maximale sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. this is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, ça se shake ici en studio, mesdames et messieurs, pour la deuxième heure de Puissance Maximale en ce jeudi 16 août 2012. Hurrah! Hurrah, effectivement, et bienvenue pour ceux qui... La bande originale, désolé, Monsieur Quentin n'est pas là cette semaine. Nous prenons la place. Donc, restez avec nous, auditeurs de Monsieur Quentin, et pour écouter des excellentes nouvelles ludiques et aussi une excellente critique de Dawn Guard, le dernier DLC qui est sorti pour... Le dernier des premiers. Des premiers. DLC pour le jeu Skyrim de Bethesda Software, et c'est un jeu qui est sorti pour un DLC qui est sorti pour PC il y a pas si longtemps, en fait, qui est sorti la semaine dernière ou il y a deux semaines. C'est le DLC que je peux pas jouer actuellement. Oui, parce qu'Andrew a un problème avec son PC qui fait que son ordinateur, le jeu se ferme dès qu'il démarre le jeu. Donc, il devrait aller sur Google régler le problème. Ça, c'est un mystère de la vie. Ça cause que tu es sur PC. Un des choses qui est le fun, que malheureusement, toi, Vincent, tu ne peux pas vivre avec ta version PS3, c'est tout ce qui est mode. Oui, je sais. On en entend tellement parler. Et pour une raison que j'ignore, Michael, ici présent, peut avoir des milliers et des centaines de milliers de modes. J'ai à peu près 30 modes d'activer sur mon Skyrim. Puis son ordinateur, son jeu, il rouvre. Et moi, je m'en installe 5. Juste 5, et mon jeu crash. Et je suis obligé de le réinstaller, et désinstaller mes mods, les réinstaller. Puis là, présentement, je t'avais de le prendre puis de le lancer par la fenêtre. Ouais, mais il y a une machine de guerre aussi, là, lui, entre les mains. Là. Non, mais ça n'a pas rapport avec les performances de la machine. C'est comme, il y a de quoi quand mes mods s'installent qui font en sorte que le jeu, il plante. Mais c'est ça le problème, c'est que le mod, c'est tellement du cas par cas, puis ça peut vraiment être des niaiseries. Là, un DLL qui manque là. C'est vraiment des petits fichiers qui peuvent manquer. Même que pour le logiciel Nexus Mod Manager qu'on peut aller chercher sur le site de Skyrim Nexus, ben Andrew il avait un problème pour l'ouvrir, puis c'était un problème de police d'écriture. Ah ouais. C'est vraiment niaiseux, puis son logiciel n'ouvrait pas. Donc c'est vraiment le mode, c'est magnifique. Là, moi j'ai un des nouveaux que j'ai installé là, Dance of Death, où on peut vraiment customiser toutes nos kill cam, le pourcentage qu'on peut recevoir des kill cam. Donc moi c'est 60%. Moi j'adore ça. Le pourcentage de décapitation, si on veut que ce soit vraiment juste avec le dernier ennemi du groupe ou pas pantoute, avec n'importe qui, on peut s'immuniser contre les kill cam parce que on peut s'en faire faire. Ça, ouais. Ça peut arriver. On peut s'immuniser. Tu veux surtout à ça. Pas le voir. C'est ça. Donc vraiment, ça c'est un mode extraordinaire, mais ça peut poser certains problèmes. Puis moi, ça fait crasher même mon jeu une fois de temps en temps. Faut j'ai augmenté ma cadence de sauvegarde un peu plus souvent. Ah ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut faire avec Skyrim. Oh oui, ben avec les jeux de Bethesda en général. Ouais, c'est ça. C'est des très bons jeux, mais avec certains bugs malheureusement. Donc avec Dawn Guard qui est sorti le 2 août pour Windows, donc sur PC, et le 26 juin quand même, un mois et quelques avant sur Xbox 360, et qui est toujours absent sur PlayStation 3 et qui a même pas été annoncé encore. Non, puis je l'attends, puis j'ai vraiment hâte. Mais je pense que la plupart des updates de Skyrim sont toujours plus tardives sur PlayStation 3. Ça a toujours été ça, en fin de compte, avec Bethesda, puis même, en fin de compte, c'est des contrats que la compagnie signe avec les différents, que ce soit Microsoft, que ce soit PS3, toujours un des deux qui l'a avant. C'est quelque chose qui est arrivé avec les Grand Theft Auto aussi à l'époque, pour Grand Theft Auto 4, je pense qu'on avait signé avec Microsoft pour le contenu téléchargeable bien avant. C'est ça, mais en même temps, Bethesda ont toujours sorti les mises à jour, sans que ce soit les DLC, en retard sur la PlayStation, parce que Bethesda, ils l'ont jamais caché, ils ont de la misère avec la plateforme de Sony. Oui, puis manière d'une autre, leurs jeux ont toujours été disponibles sur la Xbox avant. Là, on s'entend que si on a joué à Oblivion pour la Xbox 360 à l'époque, même un an plus tard, Oblivion n'était pas disponible à la sortie de la PS3. Là, c'est sorti beaucoup plus tard. Là. Donc, c'est ça Oblivion, pour le moment. Quel excellent jeu. Aussi. Oblivion? Oui. Oui, c'est certain que graphiquement, quand on le remet dans... On voit une petite différence, là, mais c'est excellent. Puis même, j'ai recommencé à jouer à Morrowind, les gars. Et, classique. C'est assez incroyable. Je redécouvre des choses que j'avais passées. Vraiment, là, que Bethesda fait, là. La série des Elder Scrolls, c'est magique. J'aimerais bien jouer aux deux premiers. J'ai essayé de... Daggerfall. Ils sont encore disponibles gratuitement sur Internet. C'est juste que j'ai lu qu'il y avait beaucoup de bugs, surtout sur Daggerfall, où ce que tu peux te ramasser dans des coins où tu peux plus ressortir, des choses comme ça. Donc, mais peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Donc, autre titre de Bethesda, Daggerfall, c'est un classique. Puis Arena, le premier, ouais. Là. Faudrait que j'essaye ça. J'ai vu des amis jouer à Dogglefall, mais j'étais trop jeune à l'époque, j'avais pas de machine pour jouer. Ben, c'est quand même pas pire. Quand tu regardes ça, là, tu penses à l'époque, tu dis wow, il y avait quelque chose. C'était bien pensé. C'était clair que ça s'en viendrait quelque chose de gros avec le temps. Donc avec Dawnguard, on se retrouve finalement avec une nouvelle quest un peu genre principale, qui est quand même assez importante, où on va retrouver des vampires, parce qu'on savait que on se rappelle dans Oblivion, il y avait des vampires, mas on s'en faisait pas plus de cas que ça. Mais dans Skyrim, c'est tout autre chose. On vient à se frotter finalement à un culte de vampires, à un clan qui s'appelle le clan Volkihar, qui veulent en fait réaliser une prophétie qui va finalement cacher le soleil à jamais pour permettre aux vampires de dominer le monde. Wow. Et on voit le chef de ce clan-là est le seigneur Arkon, qui on va rencontrer assez rapidement au début de la quest. Mais je vous dirai pas la quest en général pour pas vous faire de spoiler, mais quand même, on vient le rencontrer assez rapidement. Il nous offre un choix parce qu'on, évidemment, Dawnguard, c'est le nom d'un ordre de chasseurs de vampires qu'on va rencontrer également lors de cette quest-là. Et on va avoir évidemment le choix parce qu'on a plusieurs choix à faire dans Skyrim, mais on pourra devenir un vampire. Mais si vous êtes loup-garou, depuis les quests des Companions, ouais, c'est pas possible. Vous pouvez être loup-garou ou vampire, ou tout simplement combattre l'engeance suceuse de sang en devenant un membre de l'ordre de Dawnguard, que j'ai fait personnellement, parce que mon ordre ne sera jamais une engeance de la nuit. Donc, je l'ai jamais. Joué. Jamais. Et on se le fait proposer plusieurs fois dans la quest, d'ailleurs. Au début, le seigneur du culte en question nous le propose. Et après ça, on se le fait proposer par d'autres vampires. Puis même avec une NPC qui commence à nous suivre à un moment donné, on peut lui demander de nous transformer. Même après, quand la quest finale est terminée, qu'on va lui parler, mais c'est possible. Tente-tu de me transformer en vampire? On peut lui demander. Mais on peut devenir un vampire et être le méchant qui va essayer de réaliser cette prophétie-là qui est de cacher le soleil. Mais tu dis que suite au Companion, quand on devient loup-garou, c'est un spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais en tout cas, c'est impossible ou on doit troquer le loup-garou pour le vampire? On doit le troquer. Ouais, c'est OK, c'est possible de le faire, mais on doit abandonner. On ne peut pas être les deux, en fait. C'est okay, ça que je voulais dire. Bon. Mais en parlant de loup-garou et de vampire, une nouveauté qu'il y a dans Dawnguard, c'est l'arbre de compétences. Des créatures. Des créatures. Parce qu'il y a un arbre de compétences loup-garou et vampire, Vampire Lord and Werewolf, qui va se débloquer selon si vous devenez une créature. Et ça va vous donner, évidemment, plus de puissance pour faire des coups, des techniques nouvelles. Plus de kill-cam. Plus de kill-cam. moi je suis content. Donc, augmente les possibilités à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une nouveauté également. D'autres nouveautés, vous allez avoir des armures, des équipements nouveaux. Si vous allez vous chercher, entre autres, c'est ça, dans les perks, là, donc les habiletés, vous allez avoir vampire et loup-garou. Et vous allez avoir aussi dans les habiletés, vous allez avoir aussi des nouveaux cris, donc les shouts de Dovahkiin, donc du Dragonborn. Vous allez pouvoir avoir des nouveautés à ce niveau-là. Entre autres, la grosse nouveauté que j'ai bien aimée, c'est l'arbalète. Parce que l'ordre de Dawnguard combat à l'arbalète. Et je vous dirais que l'arbalète, de base, il y a deux arbalètes que vous pouvez avoir, la crossbow et la enhanced crossbow, que vous allez débloquer en faisant une petite mission, une side quest là, pour un forgeron qui est dans l'ordre. Donc, la crossbow, je vous dirais, côté puissance, ça accote pas mal le Daedric Bow. Le désavantage, c'est que ça recrinque beaucoup moins vite et que l'arc est moins prononcé. On peut tirer un peu moins loin, mais c'est plus fort que la plupart des arcs. Et c'est un petit côté intéressant. Puis le fait aussi qu'on ralentit pas quand on court. Parce que quand on sort l'arbalète, elle est toujours prête à tirer. Donc, pas besoin de prendre le temps de bander l'arc. On y va tout de suite avec l'arbalète. Et aussi, quand on court, on n'est pas ralenti. On a l'arbalète prêt à tirer. On court à toute vitesse, sans problème. Mais il va y avoir des rajouts aussi, côté armes, du côté des Dragon Weapons. Parce qu'il n'y en avait pas. En fait, dans la version normale, il n'y avait que les armures qu'on pouvait faire avec les Dragon Bones, avec les autres. Très laide. Très laide, d'ailleurs. J'en ai pas fait aucune à date. Tu fais bien. Donc, les autres dragons ne servaient qu'à ça. Mais maintenant, on peut faire des armes. Donc, toutes les armes se déclinent en version dragon. Et aussi un arc qui va être un Dragon Bone Bow, qui est un des plus forts, sinon le plus fort dans le jeu maintenant. Donc, c'est mon choix aussi, beaucoup entre l'arbalète et l'arc en os de dragon, mais je vous dirais que j'ai gardé l'arbalète parce que ça a quand même un style intéressant, ça fait différent. Moi, je dois vous avouer, les gars, que pour la première fois, là, on parle de Morrowind, de d'Oblivion et Skyrim, j'ai créé un personnage. Moi, j'ai un Red Guard et j'ai essayé de jouer en mage. Et sneak un peu, là, vraiment avec l'arc de loin, justement. C'est, pour la première fois avant ça, je jouais toujours avec des armes de poing, avec un bouclier, puis je rentrais dans le top. C'était ça mon fun. Puis là, vraiment, j'ai joué par en arrière un peu, en surprenant les adversaires de loin, tout ça. Puis j'ai vraiment c'est assez dévastateur, hein? J'ai vraiment un fun fou à jouer à ce jeu-là, juste en ayant changé cette technique de jeu-là. C'est donc ce que j'adore faire, le tirer à l'arc de loin en hypocrite, là. J'adore faire ça. Ah non, ça c'est. Mais avec l'arbalète, le problème par exemple, c'est que ça fait plus de bruit qu'un arc. C'est vraiment ça, je trouve ça intéressant. On va vraiment passer à tous les niveaux. Il aurait pu faire juste un crossbow. Excuse-moi, aussi fort qu'un arc, mais. Une parenthèse, juste parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Vincent. Vincent, dis-moi, comment a été ta première rencontre avec un géant? Dans Skyrim, on dans parle. Skyrim. Avec un géant? Ouais. Je veux savoir si t'as fait comme la majeure partie des gens s'approcher en disant... qui se promènent, on sait pas trop, sont autour du feu ou quoi que ce soit. Ouais, avec leur mammouth. Je dois vous avouer, j'ai fait le tour parce que ça me tentait pas de le rencontrer. Je me suis mis au loin parce que je savais pas trop si c'était du monde, mais en fin de compte, c'était une créature qui allait être amicale. Faut pas les déranger, en fait. En fin de compte, moi, j'ai fait le tour, tout simplement. On peut se promener proche d'elle, mais pas trop longtemps, faut pas montrer d'agressivité. Ouais. Moi, je vous dirais que pour les gens qui suivent l'émission, ils savent que je cheat. Et mon bonhomme était cheaté pas mal. Puis je vous dirais que ça n'a pas été trop long que je me suis fait ramasser, que j'ai volé dans les airs. Ah, ouais? Ah oui, ça n'a pas été très long. Ben moi, sincèrement, là, puis c'est ça que je parlais il y a quelques minutes. C'est pour la première fois, j'ai décidé de jouer en un petit peu furtif. Donc, de me cacher, puis de monter en fin de compte des niveaux en furtivité ou en étant quasiment invisible comme ça. Donc c'est le niveau que j'ai, le premier niveau que j'ai atteint sans, c'est stealth dans ce jeu là. Donc vraiment là, quand je vois quelque chose au loin, puis je vois un petit point rouge arriver dans l'écran disant qu'il y a un ennemi, j'essaie de contourner. Si je vois que je peux l'abattre de quelques flèches, je le fais, mais pour ce qui est des géants, j'ai vraiment contourné. C'est bon, c'est juste parce que beaucoup de monde que je connais qui ont joué à Skyrim ont eu la réaction de ah tiens, un géant, je vais aller lui parler. Ouais. Et non. Je lève la main parce que je l'ai fait moi aussi. Les gentils géants. Les gentils géants. Et non, pas vraiment. Ça a été. C'est assez rapide avec un géant. Faut pas aller les écrire. Ah, j'imagine, hein. Autre nouveauté dans Downgarn que vous allez pouvoir trouver, c'est deux nouveaux cris. Donc le Soul Tear, où on va aller chercher, voler l'âme de quelqu'un et on pourra pouvoir le ressusciter comme un henchman, un minions, undead qui va venir nous assister pendant des combats. Et aussi le cri de Dornhevir, en fait, qui est un dragon undead qu'on va rencontrer dans le Soulcairn, qui est un monde parallèle où des âmes sont emprisonnées. Et ça a rapport avec la quest principale. On n'a pas le choix d'y aller. On va se battre contre ce dragon-là. Et un peu comme Ovadin le fait dans la quest principale, où il nous offre ses services, on peut maintenant l'appeler, ben, ça va être la même chose avec ce dragon-là qui va nous apprendre l'autre cri dont je vous ai parlé, le Soul Tear. Donc, deux cris nouveaux pour Dovahkiin dans cette version-là. Des nouvelles créatures également qu'on peut retrouver, les gargouilles, les dead hounds, donc les chiens morts-vivants, et des trolls armurés. Donc, les trolls armurés, ils sont utilisés par l'ordre de Dawnguard pour les assistants en combat. Donc, il y a vraiment un dompteur de trolls qui on peut aller s'en acheter pour 500 gold piece et ressortir avec comme un compagnon temporaire qui va venir nous aider. Les chiens morts-vivants sont avec les vampires, ainsi que les gargouilles qui sont des gardiens. Vous allez avoir d'autres créatures aussi dans le Soulcairn, donc le monde des morts, où il va y avoir des Bone Men, des Wrath Men, des Boneyard Keepers et le dragon dont on a parlé tantôt. Une autre possibilité dans Dawnguard, dans la petite taverne des voleurs là, sous Riften, vous pouvez vous y rendre et aller parler avec une dame qui s'appelle Galatil, et pour 1000 pièces d'or, vous pouvez refaire le faciès de votre personnage. Donc un costume, changer les cheveux, le visage, la barbe, un peu changer votre personnage, ce qu'on pouvait pas faire avant, à moins d'aller dans la console et faire réapparaître le menu. Et maintenant, vous pouvez le faire legit pour seulement 1000 $, 1000 septimes d'or, vous pourrez le faire. Donc, c'est principalement les nouveautés que offre Dawnguard dans Skyrim. Très intéressant. Le seul problème que je trouvais pour le temps investi, pour le nombre d'heures, il y en a quand même pas mal, mais je trouve que 20 $, je trouve toujours ça cher, un peu, pour un DLC. Remarquez qu'il y en a des plus chers que ça. Ça, c'est sûr et certain. Azura Rat. On y revient souvent à cette colère d'Azura. Mais pour... Non, j'appellerais ça la colère d'Andrew qui a passé trop d'heures sur ce jeu-là pour pas avoir la fin. Hein, Capcom? Capcom, Andrew n'est pas content. J'offre mes services de consultant. Donc, pour Bethesda, pour les amateurs de Skyrim, c'est un must. Ça, je dois vous l'avouer. Des nouvelles armures aussi, j'en ai pas parlé, mais des armures de vampires, des armures de Lord of Dawnguard qui fait penser un peu à du cuir clouté, du cuir plaqué, métal. Ça fait penser un peu aux armures. Si vous avez écouté Game of Thrones, les armures des Stark, pendant la deuxième saison, on voit les soldats là avec comme de matelassin en dessous, avec des épaulettes en métal pour les versions heavy armor. C'est super beau là. Bien, en plus, moi avec la machine que j'ai downloadé des textures haute définition là. Ça fait vraiment un des beaux personnages. C'est-tu le pack officiel de Bethesda? Non, moi je suis allé chercher des mods sur Nexus Mod pour les hautes définitions sur le PC. J'ai l'impression que c'est de là qui vient mon problème. Peut-être. Parce que c'est suite à ça que ça a commencé à planter. Donc, c'est ça le problème. Quand vous avez une grosse machine, vous voulez jouer haute définition avec Skyrim, vous allez être un peu déçu dès que vous vous rapprochez. Les textures sont pas au rendez-vous, mais allez vous chercher ce genre de pack-là. Ça vaut vraiment la peine. Ça fait vraiment un beau visuel pour Skyrim. Donc, pour Dawnguard, en tout cas, moi, je le conseille. Un peu cher, je trouve, mais pas assez cher pour me dissuader. Donc, allez vous chercher ça sur Steam. Je pense que ouais, vous pouvez aller chercher ça sur Steam. Cet ajout-là pour Skyrim. D'autres aventures ou, pour The Vacuum. Le Xbox Live Store, mais malheureusement... Pas encore sur le PS3. Hein? Malheureusement. En fait, malheureusement. Ils font languir Vincent. C'est tout à fait. Toi, ils veulent peut-être que je finisse, en fin de compte, le jeu avec les side quests puis la quest principale. Parce que j'imagine qu'on n'est pas obligé d'avoir terminé le jeu pour pouvoir entrer dans c'est Guard. Non, c'est contrairement à Fallout 3, où quand on finissait la quest principale, ben, tout le jeu finissait. On est dans la dynamique Bethesda, donc on va pouvoir faire n'importe quoi autour de la quest principale. Dès que la quest principale est finie, on peut continuer des heures et des heures et des heures durant. Mais c'est la même chose. Il y a pas, je pense que... De mémoire, il n'y a pas vraiment de conflit avec la quest principale qui peut nous amener à faire « Oh, ça, je l'ai pas fait », qui va être obligé de nous ramener à la quest principale. Là. Non, il n'y a pas à ce point-là. Mais il y a quand même plusieurs quests. Il y a la trame principale de Dawnguard. Il y a quand même des side quests qui ont été rajoutés avec un bon storyline. Tantôt, tu parlais d'un monde, en fin de compte, parallèle. Ouais. Est-ce que le monde de Dawnguard, est-ce qu'il est dans la même carte principale ou ouais, c'est une carte ajoutée? C'est tout à fait. Il rajoute quelques donjons, quelques caves, un grand château où on va aller quelques fois. Soulcairn, c'est vraiment... C'est tout. C'est pas une grande map. Là. C'est vraiment une section, mais c'est vraiment un monde à part. C'est pas sur la même map. C'est vraiment le monde des morts. OK. Donc voilà pour Dawnguard que vous allez vous chercher, comme je disais, sur Steam ou sur Xbox Live. Allez vous chercher ça pour agrémenter votre Skyrim. Ça rajoute vraiment des choses intéressantes. Si vous voulez, vous aviez envie de retomber dans Skyrim, là, c'est un bon choix pour y retomber facilement et, comme d'habitude, y rester. On continue en musique avec une excellente chanson, comme à l'habitude, Monsieur Chuck Berry avec Johnny B. Goode, qui a été popularisé, entre autres, là, pour les jeunes de ma génération avec les films Back to the Future. On se rappellera du 1, du 2, où on les entend avec le sympathique Michael J. Fox qui en jouait infernalement sur sa guitare. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods of my- Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Ah, Normand, si tu savais comment on t'aime. Et on continue en nouvelle ludique avec cette émission spéciale 2 heures Puissance Maximale. Et on y va avec une nouvelle qui va enchanter Andrew, parce qu'à la Gamescom, il y a eu des images de Dynasty Warriors 7 Empires qui sont sorties. Écoutez, je sais déjà, ça va être un hit. Ça va être bon. Vous allez entendre juste des bons commentaires de ma part quand il va sortir, c'est sûr. Parce qu'Andrew aime beaucoup Dynasty Warriors. Vendu. Et le jeu va sortir le 20 septembre au Japon, donc dans pas très longtemps. J'ai hâte de voir dans combien de temps ça s'en vient ici. Oh, normalement, c'est 2 mois à peu près. Fait qu'on devrait l'avoir pour le temps des fêtes. Ben, je te le souhaite, Andrew. Ce sera un beau cadeau pour toi, pour aller taper tout plein de monde. Tu me le donnes? Peut-être. Oh! Ou c'est des gens généreux. T'es pour me remercier de cette mise en onde de qualité. De qualité, effectivement. Andrew, tu fais un excellent travail. Félicitations, bravo. T'es toutes les erreurs que vous avez, c'est pas moi. C'est matériel. De quelle erreur parles-tu? Il y en a pas. On n'a rien entendu. Il n'y en a aucune. Justement, on a littéralement rien entendu pendant 3 secondes. Mais autre nouvelle rapide. Battle.net, il y a eu des victimes d'intrusion pirate. On a vu ça sortir la semaine dernière. Oui, Blizzard Entertainment se fend de communiquer. Et là, je cite ici la nouvelle de jeuxvideo.com. Afin d'appeler des utilisateurs de Battle.net à la plus grande vigilance. En effet, la plateforme a été victime d'une intrusion non autorisée et des données sensibles ont visiblement été dérobé. C'est toujours le fun de toute façon dans ce genre de plateforme-là, que ce soit PlayStation Network, Battle.net, n'importe quelle plateforme, de changer vos mots de passe une fois de temps en temps, ça peut vous sauver les fesses. Ou d'avoir le Authentificator de Battle.net, qui est une genre de clé qui change à toutes les minutes et que ça vous prend absolument pour vous connecter. Ça l'aide beaucoup pour protéger vos informations. Effectivement. Et si vous êtes propriétaire d'Android, c'est gratuit. Oh, c'est bon ça. Je prends ça en note, Andrew. Donc, il y aurait des adresses mail associées au compte qui auraient été compromises, comme des informations additionnelles liées au serveur nord-américain. Habituellement, c'est Amérique du Nord, Amérique latine, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie du Sud-Est. Donc, les gens d'Asie du Sud-Est qui nous écoutent, faites attention à vos comptes Battle.net. Donc, ça aurait été des mots de passe cryptés qui auraient été volés, des réponses aux questions secrètes et des données associées aux authentificateurs dont Andrew nous parle. Donc, il faut faire attention, mesdames et messieurs. Vérifiez. On nous parle qu'il n'y a aucune information bancaire qui aurait été volée, mais vérifiez donc votre mot de passe, s'il vous plaît, avant de vous faire voler votre identité et que quelqu'un vous vole votre personnage de Diablo 3 ou... Fasse de l'argent avec, hein, surtout. Oui, parce qu'on a eu j'ai vu passer ça, des nouvelles, là, des gens qui réussissaient à faire des 10 000 $ en faisant des échanges de produits comme ça. On parle de la mafia, là, qui est une économie parallèle dans plusieurs pays du monde. Finalement, l'industrie du jeu est en train de faire la même chose dans l'univers virtuel. Andrew Castegan a une autre nouvelle pour nous. Oui, tant qu'à parler de Skyrim, jeu que Bethesda travaille dessus actuellement, le jeu Déshonoré, un jeu première personne rappelant un peu style de gameplay BioShock, un peu jeu qui était quand même très bien. Les caractéristiques requises pour jouer au jeu ont été sorties au Gamescom, donc préparez-vous, mesdames et messieurs. Joueur de PC, ça va vous prendre une méchante bonne machine. Juste pour vous donner une idée, la configuration recommandée, c'est premièrement, ça va vous prendre Windows Vista ou 7. Si vous avez Windows XP, c'est un no-go, ça ne marchera pas. Ça vous prend un processeur 2.4 GHz quad-core. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est les processeurs récents, actuellement, qui sont sur le marché. Fait que ça vous prend une machine pas mal récente de là ou l'année passée maximum. Il ne va pas avoir de problème. 4 GB de mémoire vive, ça c'est pas mal la norme à cette heure. 9 GB de disque dur. Ça quand même, c'est lourd. C'est lourd. Et préparez-vous, mesdames et messieurs, une carte graphique ayant minimum 768 MB de RAM. Donc, traduction, une GeForce GTX 460. Juste pour vous dire, la carte vidéo actuelle, c'est une 690. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que cette carte-là était sur le marché puis que c'était la carte actuelle. Donc, une bonne carte vidéo et bien sûr, une carte de son si vous voulez avoir du son. Bien évidemment. Mais habituellement, quand on a un bon board, une bonne carte mère, on a ce qu'il faut côté son. Et j'en suis la preuve vivante. Non, mais faut dire que moi, j'ai acheté une grosse carte mère. Disons que toi, Mike, t'es prêt. Moi, je suis pas sûr. Prêt et fin prêt, parce que Bethesda, je les aime et j'aime beaucoup leurs produits. J'ai hâte de tester ça. Mais ça, si vous avez quelques instants, allez sur jeuxvideo.com ou GameSpot puis regardez les dernières vidéos qui ont sorti de la GameSpot. Ça a l'air vraiment prometteur comme jeu. Je vous dirais, j'ai hâte d'y jouer. Autre sortie attendue, Guild Wars 2, mesdames et messieurs, qui est en bêta et aussi qui est en stress test depuis la semaine dernière sur les serveurs. Eh bien, une nouvelle est sortie, 45 serveurs au lancement, mesdames et messieurs. Donc, ArenaNet vient de dévoiler la liste des serveurs qui seront présents au lancement de l'accès anticipé du MMORPG, donc Guild Wars 2, le 25 août prochain. Ça s'en vient à grands pas. Ils veulent pas faire un Diablo 3, hein? Comment? Ils veulent pas faire un Diablo 3. Ils veulent être sûrs que le serveur soit up and running au lancement. C'est ça. Pas de surprise. Donc, on retrouve une grande partie des mondes déjà présents dans les dernières phases de bêta. Zone américaine bénéficiera de 21 serveurs de jeu, tandis que la zone européenne pourra compter 24, dont 4 français. Donc, ça fait 45 serveurs. Et on va espérer, on va leur souhaiter qu'ils n'auront pas de problème, parce que c'est quand même un jeu qui est très, très, très entendu côté MMO, RPG, un gros compétiteur de World of Warcraft, Guild Wars 1, et j'ai bien hâte de voir ça aussi. Je suis pas un gros fan, mais j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Moi, j'aime beaucoup le principe que t'achètes le jeu, t'as toutes les mises à jour, et tu payes pas par mois. Qui est quand même un concept intéressant, qui est un peu archaïque quand même, mais qui pourrait bénéficier à certaines compagnies. Ben, beaucoup de monde adore Guild Wars justement pour ça. Et de toute façon, de plus en plus de jeux commencent à aller vers ça. On a déjà pensé à Old Republic qui s'en vient comme ça. Même, on parlait du mois de novembre, moi j'ai vu une nouvelle passer qui ça serait peut-être pour le mois d'octobre. Donc, autre nouvelle pour les amateurs de MMORPG futuristes un peu. Et dernière nouvelle avant de partir en musique, Diablo 3 gratuit. Et oui, ben pour certains joueurs, ceux qui ont en fait qui ont un compte Battle.net, Blizzard va mettre à la disposition un gros démo. Finalement, je pense que c'est ce qui était à la bêta. Ouais, c'est dans le fond l'acte 1, possibilité de monter au niveau 13. Donc. En plein ça. Donc, pour les gens qui veulent tester avant d'acheter Diablo 3, ben vous pouvez aller voir ça sur Battle.net pour aller tester ce hack and slash qui était des assez mitigé comme opinion. Ça reste un hack and slash. Ils n'ont rien réinventé. Pour les amateurs, ça va être magnifique, mais pour 60$... C'est parce que pour les fans, ils vont retrouver ce qu'ils avaient dans les versions précédentes. Mais si tu veux de la nouveauté... T'es tout mieux de rester avec ton Diablo 2 puis de continuer à t'amuser encore parce que je sais pas. En tout cas, de ce que j'ai vu, oui, il y a quelques petites nouveautés, mais c'est pas. Il y a rien de révolutionnaire dans le jeu, là. C'est ça. C'est surtout le 60$ des fois, puis c'est même pas 10 heures de jeu. On a parlé hors d'onde tantôt. Moi, des jeux qui m'offrent même juste 10 heures, là, ça vaut pas 60$. Je suis désolé. Il faut aller regarder justement Bethesda avec tous ces titres qu'on connaît. Qui nous offre tant d'heures et tant d'heures de jeu, je pense que chez certaines compagnies, je nomme pas Blizzard, là, on pourrait faire mieux. On a, je serais pensé à StarCraft aussi, là, on a StarCraft 2 qui est sorti, mais là, il y a le deuxième titre de StarCraft 2 qui s'en vient. On n'aurait pas pu inclure ça, tu sais, tout faire, ils veulent faire 3 jeux différents pour faire des rajouts dans le online également. Ça va coûter 60$, c'est pas 60$, 30$ ou tu sais, moins non, cher. Ben, c'est... Ça dépend. Non, Andrew. Non, mais. Je suis pas de l'école qui est d'accord avec ce que Blizzard a fait. Sauf que d'un autre côté, le monde qui joue à StarCraft pour la campagne, plus que le multijoueur, exemple moi, la campagne a été beaucoup plus longue. T'sais, ça permet d'avoir des campagnes plus longues au niveau de single player. T'sais, comme le jeu, quand même, la campagne solo, elle a beaucoup d'évolution, des choix, des cinématiques. Puis t'sais, ils ont vraiment pris le temps. T'sais, si je fais versus StarCraft 1, que si on jouait, mettons, 3-4 heures, on passait le jeu au complet, ben lui, on a juste la campagne des humains, puis quand même, une bonne durée. Là. T'sais, ça faisait quasiment la durée du jeu de StarCraft 1, mais juste une campagne. S'il garde cette idée-là pour les autres, ça me fait moins mal au cœur un peu. Mais j'avoue, pour que le monde qui joue uniquement en ligne sur le Battle.net, ça, c'est sacré. Effectivement. Mais bon, moi, vous connaissez mon opinion. C'est de l'arnaque. Bon, continuons en musique après ces quelques nouvelles ludiques avec la chanson Adieu de Yoko Kanno, donc une personne qui a compositrice japonaise qui a composé pour les films Macross Plus, donc un classique de l'animation japonaise selon moi, un des meilleurs, et aussi pour l'excellente série Cowboy Bebop. Donc c'est tiré c'est tiré de la trame sonore de Cowboy Bebop. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Ça s'en vient. Been a fool, been a clown, lost my way from up and down. And I know, yes, I know. And I see in your eyes that you really weren't surprised at me at all. Not at all. And I know by your smile, it's you. I've À Moncton, l'eau est brune. L'eau est brune à Moncton. À Chidiac, est un petit peu opaque. À Lakeville, à Pétille. Et à Scoubidou, c'est mou. J'ai demandé à madame pour avoir un verre d'eau. Mais c'était plus comme ta boîte. Au Nouveau-Brunswick, les bains, c'est du quick. Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick. Et à Miramichi, l'eau des Bécosses, elle est Mentos et elle est chewy. Mentos, parce que c'est chewy. Et oui, Bruno Blanchet, Puissance Maximale, un vieux classique, je pense, de l'époque de La fin du monde était à 7 heures. Un show qui me manque énormément. Qui était magique. Je me bidonnais à toutes les éditions de la fin du monde. Je pense qu'il devrait penser à faire une sortie DVD de ça. Moi, ouais, ça serait quand même je suis bien. Acheteur officiel. Bruno Blanchet, maintenant, qui est un globe-trotteur qui est basé en Thaïlande et qui a un restaurant de poutine en Thaïlande. Oui, avec une amie là-bas. Et qui s'est marié, en fait, avec une Thaïlandaise et qui a écrit les Frousses autour du monde, là, des livres que vous pouvez aller chercher en librairie. Des bonnes lectures de voyages différentes. Et on continue avec Monsieur Andrew Castegan, le roux metteur en onde, qui va nous parler d'un jeu qui s'appelle Gravity Rush sur la PlayStation Vita. Oui, on va donner encore un peu d'amour à cette console que j'ai délaissée. En fait, jeu que j'ai eu, que j'ai été surpris, en fait, c'est un jeu qui a passé un peu en dessous des radars parce qu'il n'a pas été fait par un studio connu, en fait. Ben oui. Oui, puis non. En fait, c'est pas un gros studio comme Uncharted ou Soul Calibur. En fait, c'est un jeu qui a été fait directement par Sony Japan. Oui! Sony, super. Simplement. Yep. Qui ont quand même fait des bons jeux, on s'entend. Oui, c'est ça. Mais t'es, c'est tellement rare qu'ils sortent un jeu directement que t'es... Ils passent souvent en dessous du radar, puis c'est des très bons jeux. On s'en cachera pas. Mais au niveau de Gravity Rush, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est un jeu qui se passe, dans le fond, dans la ville fictive volante. Je vais essayer de le nommer Exiville. Exiville? Exiville. Ben, c'est correct, ça, c'est bon. Je suis pas sûr exactement que ça se prononce, là, parce que c'est écrit un peu bizarre, mais ça ressemble à Exiville, qui est dans le fond une ville flottante dans les airs. Donc, tu sais, on voit pas la planète en terre, on voit juste du ciel. Et cette ville-là est sur le bord de la destruction à cause d'une tempête gravitationnelle qui risque de juste tout détruire et déchirer à cause d'un problème de gravité. Et en même temps, la ville est envahie par des monstres qu'on appelle des Nevi. Qu'on n'a aucune idée d'où que ça sort, ben du moins au début du jeu, et je vous le dirai pas parce que sinon je vais vous le spoiler, qui arrive et qui attaque les gens et qui essaye de les dévorer. Et nous on joue une fille amnésique qui ne se rappelle pas d'où qu'elle vient, du nom de Cat, qui est accompagnée d'un chat et qui a des pouvoirs qui a le pouvoir de justement gérer la gravité, mais pas pour tout le monde, vraiment. Elle peut changer son plan de gravité, donc se retrouver à marcher sur des plafonds ou des murs, et se retrouve mêlée, bien malgré elle, dans la lutte contre cette mystérieuse tempête gravitationnelle et l'invasion des Nevi. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Je ne vais pas élaborer plus loin, parce que sinon, je vais tout vous dévoiler les punchs du jeu. En fait, je vous dirais, c'est un jeu un peu à la beat em all, un peu comme ce qu'on retrouve avec les God of War de ce monde et tout ça. Donc, un jeu qui se prend quand même très bien en main. Sauf avec le petit twist qu'on peut changer la gravité. Je vous dirais, c'est surprenant. Je vous dirais, j'avais vu des vidéos, j'étais pas 100% convaincu du jeu, parce que je trouvais que ça, du fait qu'on pouvait changer la gravité, que ça ralentissait le rythme de combat. Parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment de vidéo où on voit un combat impressionnant, là, justement, avec le personnage, avec des combos, puis tout ça. Puis quand on commence à jouer, on se rend compte que, dans le fond, on peut embarquer ce changement de gravité-là avec, justement, nos combos. Parce qu'avant, dans le cas qu'il y a un monstre qui est sur un mur, puis nous autres, on est à l'autre bout de la ville, ben on s'entend que si on change la gravité pour aller sur le mur en question, puis qu'on fait un coup de pied, ben on a beaucoup plus d'impact que si on est juste sur le mur en question, on donne un coup de pied. Fait que, tu sais, tout l'aspect physique est pris en compte dans ce jeu-là. Il y a vraiment l'aspect de synergie. Donc, plus qu'on est longtemps en train de faire une chute, plus qu'on va avoir d'impact. Et Kat, ben, est comme un chat. Elle tombe tout le temps sur ses jambes et elle ne se fait pas mal, même si vous tombez de 42 km. Donc, j'aime ça. T'es un peu comme tout film de super-héros. Il peut tomber de l'espace, mais il y aura pas mal. J'aime ça, elle combat mon ennemi de toujours, la gravité. C'est ça. Donc, t'sais, on parle d'un système de jeu quand même très simple. Je dirais que la seule chose, c'est pas un jeu qui va exploiter beaucoup l'écran tactile ou encore le rear panel de la PS Vita, comme j'ai déjà parlé. Ils ont resté quand même assez sobres. Pas mal la seule chose qu'ils utilisent, c'est le gyrosenseur. Parce que, dans le fond, ils vont l'utiliser pour pouvoir orienter la gravité, mais c'est facultatif. Si ça ne tente pas de brasser la console, on peut tout simplement utiliser les joysticks. Donc, on est capable de garder un mode de jeu classique. Niveau difficulté, je le trouve peut-être un peu facile. J'ai pas eu vraiment de gros défis dans le jeu, mais le jeu est quand même assez long. Fait que je vous dirais que ça compense justement pour la difficulté un peu basse. Et l'histoire est très intéressante, donc on embarque dans le jeu quand même très bien. Niveau graphique, c'est pas le plus beau jeu qu'on a eu sur la PS Vita. Donc, tu sais, on parle pas en fait d'un Uncharted comme le titre de lancement de la PS Vita, mais on parle d'un jeu quand même avec un très beau graphique cel shading. Et je regarde Vincent parce que je sais que un peu comme moi, il aime bien ce style graphique là quand il est bien exploité. Donc, on retrouve dans le fond dans ce jeu là. Un cel shading BD très bien fait, bien exécuté. C'est juste que la limitation graphique de la PS Vita à cause de la grosseur d'écran fait en sorte que des fois il y a certains détails qu'on voit pas, comme des lignes sur la délimitation des personnages, qui fait en sorte que ça fait un petit effet un peu bizarre au niveau du graphique. Mais t'sais, c'est vraiment l'aspect écran. Mais de toute façon, un moment donné, si Sony respecte qu'est-ce qu'ils disent, on va avoir moyen de mettre l'image de la Vita sur une TV. Fait que je présume que ce jeu-là va être un des jeux qui va être vraiment très intéressant à voir sur grand écran, parce que il y a quand même un bon moteur en arrière de ça. C'est juste que c'est les limitations de la surface d'écran qui nous empêchent de bien en profiter. Sinon, au niveau musique, je vous dirais que c'est peut-être le petit côté qui m'a beaucoup déçu de ce jeu-là. Il y a quelques bonnes tunes au niveau de l'ambiance. Par contre, pour un jeu qui est sorti en 2012, que les conversations ne soient presque aucunement enregistrées et uniquement des boîtes de texte, je trouve ça très décevant. Très, très, très décevant. Si on regarde Uncharted, que toutes les conversations, toutes les cinématiques, tout est doublé, dans le fond. Oui. Tomber dans un jeu comme ça, qu'on a juste les cinématiques qui ont des voix, mais en jeu, quand on parle avec les personnages, on a uniquement des boîtes avec des petits bruits comme « Ah! Ouh! Hi! » Mais c'est Sony Japan qui l'a fait. Quand même. Tu regardes les jeux, là, que ce soit du petit RPG là, qui vient directement du Japon, ça reste encore la même chose. Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est compréhensible. C'est un RPG. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des milliers de personnages et qu'il y a trop de monde à qui parler pour qu'ils puissent mettre toute la plage de dialogue en dobé. Mais ça, c'est un jeu open world. OK, on peut se promener dans la ville comme on veut, se battre, tout ça, mais il n'y a pas 42 milliards de personnes dans cette ville-là. On en croise peut-être 12 au plus. T'sais, si on compte les génériques, là, je compte pas les génériques individuellement, là, parce qu'ils disent la même chose. C'est juste qu'ils sont ailleurs dans la ville. Mais c'est décevant qu'on ait des moments avec des dialogues importants où on est supposé avoir des émotions pour nous aider à embarquer dans la narration de l'histoire, où on a juste un dessin de la face où on voit « Ah! » Ça, je sens qu'il dit de façon fâchée parce qu'il y a une photo de lui fâché. T'sais, c'est comme... C'est un petit quelque chose qui m'a dérangé. Surtout que c'est pas un RPG. C'est un jeu d'action. Fait que t'sais, c'est comme... Il y aurait eu peut-être une petite amélioration à ce niveau-là. Mais sinon, je vous dirais, comme je dis, c'est un jeu open world. On a beaucoup de missions. On se promène dans la ville. On a des missions qu'on prend. Il y a les missions principales pour faire avancer l'évolution du jeu. Je vous dirais... pour un jeu qu'on peut trouver en magasin à certaines places à 29,99$, ou si vous voulez pas vous casser la tête chez Future Shop à 39,99$, vous allez payer 10$ plus cher, ben c'est un jeu qui vaut la peine. Je vous dirais, pour la PS Vita, là, c'est une des perles, parce que plus il n'y a pas d'RPG, qu'il y a pas mal juste des jeux de sport, puis de tir, puis... Des jeux d'action. Des jeux d'action, ça reste un jeu d'action, mais tu sais, c'est le petit twist là, qui manquait là. Puis je vous dirais, il y a beaucoup de monde qui vont passer à côté de ce jeu-là parce que justement, il n'y a pas de Naughty Dog. C'est ça, je cherchais Naughty Dog. Il n'y a pas de Naughty Dog de Taguitsu ou de Square Enix, mais ils vont juste le mettre de côté. Mais je vous dirais que c'est une vraiment très belle perle comme jeu et ça vaut la peine de le jouer. Je vous dirais, j'ai pas passé à travers, mais d'après les critiques que j'ai vues sur Internet et les évaluations, on parle d'approximativement 20 heures de jeu si vous voulez tout faire. Quand même. Pour un jeu de console portable, c'est pas pire. C'est ouais, une bonne durée de vie. Surtout pour 29,99$ si vous allez l'acheter aux bonnes places. Excellent. Merci beaucoup, Endo, pour cette critique de Gravity Rush sur PlayStation Vita. Et on continue en musique avant la fin de l'émission avec l'excellente chanson Rate Me de Nirvana, mais la version Richard Cheese. Vous allez voir, c'est plus jovial, mais plus perturbant un peu. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Appreciate your concern. De Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour quelques nouvelles rapides avant la fin de l'émission. On s'ennuie de notre François. Ah, oui. Merci François de nous avoir fait ces beaux indicatifs qu'on va mettre plus souvent à l'émission. On s'ennuie de toi François, on a hâte de te revoir. Et on continue en nouvelles rapides avec Monsieur Andrew Castegan. Oui, deux petites annonces rapides qui ont sorti. Premièrement, un autre projet Kickstarter. Oh oui! On aime ça parler de Kickstarter ici. En fait, la compagnie derrière la série Total Annihilation... une vieille série de RTS là, à l'époque que les jeux roulaient sur DOS là, pour vous donner une idée, ont décidé de ressortir leur franchise des Boulamites grâce à Kickstarter avec un titre néanmoins très ambitieux, Planetary Annihilation. Oh. Qui dans le fond va augmenter, va faire tomber les barrières des jeux de RTS. Vous ne serez plus limité, mes amis, à une planète. Mais en fait, votre base va être une planète et même peut-être votre arme. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? C'est que dans le fond, ça va être un jeu de développement RTS sur les planètes. On va développer nos industries et le satellite, comme exemple la Lune, on va pouvoir l'équiper de réacteur et l'utiliser comme arme pour aller attaquer la planète d'un autre joueur. Et le jeu est en Kickstarter depuis 2 jours et ils sont rendus déjà à 250 000 $. Et eux, ils disent, on vise 900 000 $. C'est le meilleur des mondes, mais ils ont dit que le jeu allait sortir même s'ils n'atteignaient pas leur objectif. C'est quand même un gros objectif, 900 000 $. Ouais, ben ça cause qu'ils veulent pas prendre d'engin graphique ou quoi que ce soit d'un jeu déjà existant. Ils veulent vraiment faire tout de A à Z. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est s'ils atteignent leurs 900 000 $, la franchise renaît. Ça ne sera pas juste un jeu, mais vraiment la franchise. Donc, ils font comme un peu un Kickstarter pour les deux. Mais ils disent que le jeu est déjà bien avancé, que c'est un projet qui va voir le jour. C'est juste qu'ils veulent peaufiner, faire leurs engins, puis repartir la série de plus belle. Donc ça, c'était la première nouvelle. Sinon, je ne le savais pas et je suis très content. Je suis une série de... Je suis fan d'une série. Effectivement, félicitations, Endo. Merci. Je suis fan d'une série de jeux RTS qui, malheureusement, avait disparu avec la fin de Microsoft Game Studio, qui était la série Rise of Nation, qui était un jeu de stratégie où on prenait un peuple et on le faisait évoluer... au niveau des âges, et dans le fond on pouvait se ramasser avec des tanks contre des hommes, des cavernes. C'était un jeu que j'aimais beaucoup, il y avait un aspect politique et territoire, sans que ça soit aussi complexe que Civilization. La compagnie Petroglyph, qui était dans le fond la série, la compagnie en arrière de Microsoft Game Studio qui travaillait là-dessus, a décidé de ressusciter leur franchise en créant Ends of Nations, qui dans le fond va se passer à la fin des temps, avec des mechas et des robots géants. Et les images ont commencé à sortir, ça a l'air vraiment bien. Et s'ils ont gardé la mentalité et la philosophie de la série Nations, ça promet. Excellent. Ben, une bonne nouvelle pour les amateurs de RTS, donc de jeux de stratégie en temps réel. Et ça s'en vient pour vous, chers amateurs. Allez faire un tour sur Kickstarter, allez faire un tour sur les sites pour vous informer. Autre nouvelle rapide avant la fin. Depuis hier, Final Fantasy VII est disponible sur PC, une réédition du jeu pour les 25 ans de la franchise Final Fantasy. Allez voir ça sur la boutique Square Enix. On veut un remake, pas une réédition, aussi, s'il vous plaît. Aussi, parce qu'on se rappelle que Final 7, quand il était sorti, c'était sorti un peu en rush pour accommoder Sony. En fait, Sony avait dit à Square, dépêchez-vous parce qu'on va avoir un jeu Final Fantasy pour notre PlayStation 1. Sauf que ce que ça a fait finalement, c'est qu'on s'est ramassé avec un jeu en gameplay avec des polygones comme personnage, avec quand même des cinématiques intéressantes qui devait avoir finalement cette face-là en gameplay. Donc, ce serait bien et la base de fans de Final Fantasy 7 le demande depuis longtemps. Mais quand même, pour les amateurs de Final 7 là, qui veulent avoir ça sur leur PC, allez vous chercher ça avec certains ajouts également. Allez voir ça sur le site de Square Enix. Et c'est malheureusement déjà la fin de cette émission spéciale 2 heures de puissance maximale. Écoutez, très content d'avoir fait ça avec vous, chers messieurs. Je tiens à remercier M. Andrew Castegan à la console. Toujours un plaisir. Merci pour tes excellentes critiques et ta participation à l'émission. Comme à chaque semaine, on t'aime beaucoup, Andrew. Ah, je me sens apprécié. Mais tu devrais. Je me sens plus chanceux que la moyenne des roues. Ah, excellent. Monsieur Vincent Langlois, écoutez, ancien animateur de Puissance Maximale, mais toujours bienvenue à l'émission. Merci de ta participation à cette émission spéciale. Ça m'a fait plaisir, les gars, puis merci à vous d'être là toutes les semaines pour continuer ce qu'on a débuté il y a plusieurs années. Ben ça fait plaisir parce que c'est sûr qu'il faut aimer ça, mais on aime beaucoup les jeux, donc ça nous fait plaisir d'être là chaque semaine. Mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là. On vous rappelle d'aller sur le site de Puissance Maximale, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos émissions, sont toutes là-dessus. Allez sur Facebook, dans la barre de recherche, tapez Puissance Maximale. Allez aimer notre page parce que nous, on vous aime. Allez au ckia.org, donc les ckiafm.org pour aller chercher votre carte de membre pour venir encourager la station, aller voir les pages des émissions, et c'est tout finalement. On vous aime beaucoup, à la semaine prochaine, et on vous souhaite une excellente semaine de jeu. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend.